بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, crains Dieu et n'obéis point aux mécréants ni aux hypocrites. Certes, Dieu est omniscient et sage. Essuie ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Certes, Dieu sait parfaitement ce que vous faites. Et place ta confiance en Dieu, car Dieu te suffit comme protecteur. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Dieu n'a pas placé de cœur au-dedans de l'homme, et il n'a point fait de vos épouses vos mères, car vous leur dites en les divorçant: tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce ne sont là que des propos qui sortent de vos bouches. Mais Dieu dit la vérité, et c'est lui qui guide l'homme vers la bonne voie. فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable aux yeux de Dieu. Et si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. On ne vous blâmera pas pour les erreurs que vous commettez, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Dieu, cependant, est pardonneur et miséricordieux. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont les uns sur les autres, et ses épouses sont comme leurs mères. D'après le livre, les liens du sang, en cas de succession, ont priorité sur les liens unissant les croyants de Médine aux immigrants de la Mecque. Tout au plus pourront-ils disposer d'une partie de leurs biens en faveur de leurs amis proches. Cela est écrit formellement dans le livre. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Et nous avons exigé un engagement de la part des prophètes, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. Et nous avons exigé d'eux un engagement solennel, afin qu'ils interrogent les loyaux messagers sur l'accomplissement de leur mission. Et il a préparé un douloureux châtiment pour les infidèles. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Ô vous qui croyez, rappelez-vous les bienfaits de Dieu envers vous quand des armées sont venues vers vous et que nous avons envoyé contre elles un vent violent et des troupes que vous ne pouviez voir. Dieu voit clairement ce que vous faites. Quand elles sont venues d'en haut et d'en bas, quand votre vue s'est brouillée et que vos cœurs sont remontés dans vos gorges, vous avez eu alors de mauvaises pensées sur Dieu. Les croyants ont été durement éprouvés et secoués d'un grand choc. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Et quand les hypocrites et ceux qui avaient une maladie au cœur disaient « Dieu et son messager ne nous promettent que des illusions », un groupe d'entre eux dit: Ô peuple de Yathrib, il n'y a pas de place pour vous ici, retournez chez vous. Et certains d'entre eux demandaient au prophète la permission de partir en disant: Nos demeures sont restées sans protection contre l'ennemi. Alors que c'était faux, en réalité, ils ne souhaitaient que s'enfuir. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Et si les ennemis étaient entrés par toutes les issues dans la ville, et qu'ensuite on les avait incités à la trahison, ils auraient à peine hésité avant d'accepter. Et pourtant, ils avaient déjà pris envers Dieu l'engagement de ne jamais tourner le dos, et surtout engagement envers Dieu. On demandera des comptes. Dis, La fuite ne vous servira jamais à rien si c'est la mort ou le combat meurtrier que vous fuyez. Et même si vous fuyez, vous ne jouirez que brièvement de ce qui vous reste à vivre. Dis, qui donc peut vous protéger contre Dieu s'il vous veut du mal? Ou qui peut empêcher sa miséricorde de vous atteindre? Et ils ne trouveront ni protecteur, ni allié en dehors de Dieu. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم Certes, Dieu connaît ceux d'entre vous qui font obstacle aux autres, de même que ceux qui disent à leurs frères « Venez donc près de nous », tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. Ménageant leurs efforts lorsqu'il s'agit de vous aider, vous les croyants. Mais quand leur vint la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux d'un moribond. Puis, une fois la peur passée, dans leur avidité à profiter du butin, ils usent de leur langue, acérée contre vous. Ceux-là n'ont jamais cru. Alors Dieu rend totalement vaines leurs actions, et cela lui est facile. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Ils s'imaginent que les coalisés ne s'en sont pas retirés pour de bon. Or, si les coalisés revenaient, ils souhaiteraient être des nomades du désert en compagnie des Bédouins et se contenteraient de demander de vos nouvelles. Et s'ils étaient parmi vous, c'est à peine s'ils se battraient. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vraiment, vous avez dans le messager de Dieu un excellent exemple à suivre pour quiconque investit ses espoirs en Dieu et dans le jour dernier et invoque Dieu fréquemment. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce que Dieu et son messager nous avaient promis. » Ils disaient la vérité. Et cela ne fit qu'augmenter leur foi et leur soumission. Parmi les croyants, certains ont été fidèles à leur engagement envers Dieu. Certains d'entre eux ont atteint leur fin inéluctable, tandis que d'autres attendent encore, sans que jamais ne fléchisse leur détermination. إن الله كان غفورا رحيما. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Tout cela afin que Dieu récompense les véridiques pour leur fidélité et châtie les hypocrites s'il le veut, ou leur pardonne s'il le veut. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et Dieu a repoussé les mécréants avec leur rage sans qu'ils n'aient obtenu aucun avantage. Et Dieu a détourné des croyants leurs attaques. Dieu est fort et puissant. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui avaient soutenu les coalisés. Il a jeté l'effroi dans leur cœur. Vous en avez tué certains et avez fait captifs les autres. Et il vous a fait hériter de leurs terres, de leurs demeures et de leurs biens, ainsi que d'une terre que vous n'aviez jamais foulée. Dieu est capable de toutes choses. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente et sa parure que vous désirez, venez. Je vous donnerai les moyens d'en jouir et libérerai par un divorce équitable. Mais si c'est Dieu et son messager que vous voulez, ainsi que la demeure de l'au-delà, alors Dieu a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Ô femme du prophète, celle d'entre vous qui commettra une indécence flagrante, le châtiment lui sera doublé, et cela est facile pour Dieu. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Dieu et à son messager, et qui fait le bien, nous lui accorderons une double récompense, et nous avons préparé pour elle de généreux moyens de subsistance. Ô femme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous craignez Dieu, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, de crainte que celui dont le cœur est malade ne vous convoite. Exprimez-vous donc de façon décente. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Et restez dans vos foyers. Ne vous exhibez pas à la manière des femmes du temps de l'ignorance. Soyez assidus dans vos prières, acquittez-vous de la zakat, et obéissez à Dieu et à son messager. Dieu veut éloigner de vous la souillure, ô gens de la maison du prophète, et il veut vous purifier entièrement. Et rappelez-vous ce qui est récité dans vos maisons, des signes de Dieu et de la sagesse. Dieu est doux et parfaitement informé. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Les musulmans et les musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, ceux et celles qui sont véridiques, patients et patientes, ceux et celles qui sont humbles, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui gardent leur chasteté, ceux et celles qui invoquent souvent Dieu. Pour tout cela et celles-là, Dieu a préparé un pardon et une récompense énorme. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose pour eux, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir, et quiconque désobéit à Dieu et à son messager s'égare de toute évidence. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Quand tu disais à celui que Dieu avait comblé de bienfaits et que tu avais toi-même comblé de tes biens, garde ton épouse et crains Dieu. Tu cachais en toi-même ce que Dieu allait rendre public. Tu craignais les gens, alors que Dieu est plus digne d'être craint Et lorsque Zayd eut dissous son mariage avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci ont dissous leur mariage avec elle. Et le commandement de Dieu doit être exécuté. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Nul grief à faire au prophète en ce que Dieu lui a accordé. Tel était l'usage que Dieu avait établi pour les prophètes du passé, et le commandement de Dieu est un décret absolu. Ceux qui transmettaient les messages de Dieu, qu'ils le craignaient et ne redoutaient nul autre que lui. Et Dieu suffit pour tenir tous les comptes. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Et Dieu est omniscient. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. Ô vous qui croyez, invoquez souvent le nom de Dieu et glorifiez-le au point du jour comme au crépuscule. C'est lui qui fait descendre sur vous ses bénédictions et ses anges vous bénissent aussi, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Leur salutation, au jour où ils le rencontreront, sera paix. Et il aura préparé une généreuse récompense. Ya ayyuhan nabiyyu inna أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour servir de témoin, annoncer la bonne nouvelle et avertir les gens. Tu les invites à adorer Dieu par sa permission, et tu es tel un phare qui illumine. Et annonce comme bonne nouvelle aux croyants qu'ils recevront de Dieu une grâce infinie. N'obéis ni aux mécréants, ni aux hypocrites, et ignore leur malfaisance. Place ta confiance en Dieu. Dieu suffit comme protecteur. Ya ayyuha alladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Ô vous qui croyez, si vous épousez des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente, accordez-leur quelques biens en compensation et libérez-les de façon convenable. Ya ayyuhan nabiy inna ahlalna laka azwajaka allati آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot et tes droits de propriété au titre du butin que Dieu t'accorda. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles qui ont émigré avec toi, ainsi que toute femme croyante, si elle te fait don de sa personne, pourvu que tu consentes à te marier avec elle. C'est là un privilège qui t'est réservé à l'exclusion des autres croyants. Nous savons parfaitement ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent. Ainsi, nul grief ne te sera fait, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, tu accueilles qui tu veux. Et puis encore, l'une de celles que tu avais écartées, nulle gêne pour toi en cela. Cela est plus de nature à satisfaire leur âme, à leur éviter tout chagrin, et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception de tes droits de propriété, et Dieu observe toutes choses. Ya ayyuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dhana lakum illa an yu'dhana كَانَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَدُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins d'avoir été invité pour un repas. Et dans ce cas, n'y allez pas trop tôt, de sorte que vous restez là à attendre qu'il soit prêt. N'entrez que lorsque vous y êtes conviés, et une fois le repas terminé, dispersez-vous plutôt que de vous attarder à causer en cherchant à vous rendre familier. Cela cause des désagréments au prophète et cela le gêne. D'avoir à vous demander de quitter. Mais Dieu, lui, ne se gêne pas de dire la vérité. Et si vous demandez quelque chose aux épouses du prophète, faites-le de derrière un rideau. Cela est plus pur pour votre cœur et le leur. Évitez d'offenser le messager de Dieu. N'épousez point après sa mort celles qui auront été ses épouses, car cela serait aux yeux de Dieu un énorme péché. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن Que vous divulguiez une chose ou que vous la teniez secrète, sachez que Dieu est parfaitement informé de toutes choses. Ce n'est pas un péché pour tes épouses que de converser librement avec et de paraître devant leurs pères, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, leurs femmes de suite. Et leurs servantes, et observez vos devoirs envers Dieu, car Dieu est témoin de toutes choses. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا Certes, Dieu et ses anges couvrent le prophète de leur bénédiction. Ô vous qui croyez, demandez à Dieu de le bénir et adressez-lui vos salutations. Ceux qui calomnient Dieu et son messager, Dieu les a maudits en ce monde comme dans l'au-delà, et il leur a préparé un châtiment humiliant. et ceux qui parlent en mal des croyants et des croyantes, sans que ceux-ci ne l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ya ayyuha an-nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisaa'i al-mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihim dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener un pan de leur voile sur elles lorsqu'elles se déplacent. Elles en seront plus aisément reconnues et éviteront d'être importunées. Dieu est pardonneur et miséricordieux. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Si les hypocrites, ceux qui ont une maladie au cœur, et les alarmistes, à Médine, ne mettent pas fin à leurs agissements, nous t'inciterons certainement à sévir contre eux, et alors ils ne demeureront plus que très peu de temps en ton voisinage. Maudits à jamais, ils seront saisis et tués impitoyablement où qu'on les trouve. Telle était la règle de Dieu envers ceux qui vécurent autrefois, et tu ne verras jamais aucun changement à la règle de Dieu. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا. Les hommes t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Dieu. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Dieu a maudit les mécréants et leur a préparé un brasier ardent, dans lequel ils demeureront éternellement, sans y trouver d'alliés, ni personne pour les secourir. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront « Hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Dieu et à son messager !» وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا. Et ils ajouteront, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et aux grands parmi nous, et ce sont eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur un double tourment et maudis-les d'une puissante malédiction. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont calomnié Moïse. Dieu l'a déclaré innocent de leurs accusations, et il était tenu en haute estime par Dieu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Dieu et parlez avec droiture. Dieu, en retour, rendra vos œuvres plus méritoires et vous pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Dieu et à son messager aboutira certes à une grande réussite. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Nous avions certes proposé l'engagement, c'est-à-dire la responsabilité du fardeau, de faire le bien et d'éviter le mal, au ciel, à la terre et aux montagnes. Ils refusèrent tous de l'assumer, car cela leur faisait peur. C'est donc l'homme qui s'en chargea, et il s'avéra très injuste et ignorant. Il en fut ainsi, afin que Dieu châtie les hypocrites, hommes et femmes, de même que les polythéistes, hommes et femmes. Mais Dieu pardonne aux croyants et aux croyantes, car il est pardonneur et miséricordieux.